Les compétitions sportives pour le prix Sungun Bonghua viennent d'être clôturées le 30 juin au stade de Pyeongsong, province du Pyongan du Sud. Y ont pris part les officiels intéressés, les sportifs et les travailleurs de Pyeongsong. Les provinces du Pyongan du Sud, du Hamgyong du Sud et du Fanghae du Sud se sont classées respectivement première, deuxième et troisième. Les meilleures équipes et joueurs ont reçu la coupe de tournoi et les médailles.